Bonjour à tous, on a vraiment hâte de partager notre analyse du jour parce qu'elle porte sur un objet assez exceptionnel. En tant que collaborateur chez UTAC, on a la chance d'examiner de près ce qui se fait de mieux sur le marché. Ouais, et aujourd'hui, on s'intéresse à un véhicule magnifique qu'on propose d'ailleurs actuellement à la vente. C'est la Kia Proceed 160 chevaux, la fameuse finition GT Line Premium de 2022. Exactement. Et le but de cette plongée dans les caractéristiques, c'est de montrer que c'est pas juste un moyen de transport, quoi. On parle vraiment du vaisseau amiral des breaks de chasse, le fameux shooting break. C'est clair. C'est un vrai voyage en première classe qui allie un design audacieux et le confort d'une berline de luxe. Bah, pour comprendre ce côté première classe, faut direct plonger à l'intérieur de l'habitacle. On voit vraiment comment la technologie se met au service des sens. Ah oui, l'ergonomie, c'est un trou de fou. Prenons juste le siège électrique à mémoire. Moi, je compare toujours ça à un majordome personnel. À majordome, hein, l'image est parfaite. Ben c'est ça. T'appuies sur un bouton et hop, la voiture se souvient de ta position exacte. Plus besoin de tout déréguler quand on partage le véhicule, c'est ultra agréable. Et puis, il faut mentionner le luxe ultime pour les matins d'hiver, les sièges et le volant chauffant. Ça, une fois qu'on y a goûté. On peut plus s'en passer, c'est sûr. Mais en lisant les sources, il y a une anecdote qui m'a vraiment marquée. C'est cette histoire de son et lumière. Ah oui, le fameux cauchemar des ingénieurs acoustiques. Faut dire que l'habitacle d'un break de chasse, avec le grand coffre ouvert à l'arrière, ça crée un effet cathédrale. Ouais, ça bousille complètement les basses fréquences en général. Exactement. Surtout avec le grand toit ouvrant panoramique qui baigne tout l'habitacle de lumière naturelle. Le verre, ça réfléchit les ondes sonores dans tous les sens. Et c'est là que le système audio Bose Surround intervient, non? Voilà. Les ingénieurs de chez Bose, ils n'ont pas juste posé des haut-parleurs. Ils ont spécifiquement travaillé l'acoustique de ce modèle pour neutraliser la réverbération. Le processeur compense les fréquences parasites en temps réel. Donc, ils ont réussi à créer une véritable salle de concert privée, avec des notes super cristallines malgré le volume d'air. C'est brillant. C'est du traitement de signal de haut vol, ouais. Par contre, j'ai une question en regardant la fiche mécanique. Avec un look aussi sportif et un équipement aussi riche, comment le moteur arrive à rester adapté au quotidien? Je veux dire, en ville, dans les bouchons. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à des à-coups avec un moteur turbo, mais ce 1.5 TGDI de 160 chevaux, c'est vraiment le cœur parfait. Il a la puissance pour les sensations sportives, du coup, hein? Tout à fait, il y a une grosse réserve de puissance sur autoroute, mais l'algorithme lisse la courbe d'accélération à basse vitesse. Du coup, ça reste hyper souple et super discret en milieu urbain. C'est une puissance totalement maîtrisée. Une mécanique domptée pour la tranquillité d'esprit des passagers, en fait. Et c'est important de parler de tranquillité d'esprit, surtout vu le modèle qu'on a chez UTAC en ce moment. Ouais, il affiche 59 500 km au compteur, donc il sort tout juste de sa première phase de vie. Ce qui n'est rien du tout. Et surtout, il y a cet argument massue, la fameuse garantie constructeur Kia de 7 ans. Ah bah ça, c'est le grand classique de la marque. Le véhicule est couvert jusqu'en 2029. S'engager sur presque une décennie, ça montre une confiance absolue dans leur architecture électronique. Donc, pour résumer, cette GT Line Premium, c'est vraiment la version ultime pour ceux qui refusent le moindre compromis entre le design, le confort et la sérénité. C'est un sans faute. Et on rappelle que ce magnifique condensé de savoir-faire est actuellement disponible à la vente chez UTAC. Tout à fait. Au final, c'est quand même fascinant de voir comment l'industrie automobile réussit désormais à transformer de simples habitacles en véritables extensions de notre espace de vie, carrément capables de mémoriser nos préférences. Ouais, une intégration technologique parfaite. Une vraie symbiose. À bientôt.